s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 10. Se libérer des banques. Comment le pouvoir de l'argent a conduit à l'effondrement. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le terme tirelire, piggy bank? En anglais, le terme piggy bank signifie littéralement banque en forme de petit cochon. Comme moi, vous vous en êtes peut-être servi pour y conserver vos pièces de monnaie durant votre enfance. Je n'y avais jamais réfléchi outre mesure jusqu'au jour où je suis tombée sur une véritable tirelire vivante à Bali. Au cours d'une randonnée à bicyclette, nous nous sommes arrêtés dans un village traditionnel et avons été invités à pénétrer dans une résidence familiale. C'était le genre d'endroit où plusieurs générations vivent dans de petites maisons les unes à côté des autres, avec un temple à l'avant et quelques animaux à l'arrière. C'est là que j'ai vu une porcherie, abritant une demi-douzaine de cochons. Par ici, les femmes âgées n'aiment pas placer leur argent à la banque, alors elles achètent un cochon et le nourrissent pour épargner, m'a dit mon guide. Voilà une judicieuse réserve de valeur, me suis-je dit, surtout étant donné les taux d'intérêt si bas à l'époque. Après le voyage, j'ai cherché l'origine du terme « piggy bank ». Certains historiens et certaines historiennes supposaient que ce nom provenait de jarres qui étaient faites d'une argile parfois appelée « pig » en Allemagne et en Angleterre, d'après la théorie qui figurait sur Wikipédia à l'époque. Nous étions en 2015. Pourtant, j'avais vu au Musée national d'Indonésie un objet contredisant cette théorie, une tirelire en forme de cochon, datant d'environ 400 ans avant l'époque où le mot « pig » était utilisé en Europe pour désigner un type d'argile. Je suis peut-être un peu excentrique, mais l'histoire de la tirelire m'a interpellée. En creusant un peu, j'ai découvert que les plus anciens récipients à monnaie en forme de cochon que l'on connaisse remontent au XIIe siècle et qu'ils proviennent d'Indonésie. Ce n'était pas étonnant. On sait que les sangliers ont été domestiqués, devenant des porcs, sitôt que les êtres humains ont commencé à vivre au sein de sociétés agraires. Depuis lors, dans de nombreuses sociétés du monde entier, il est devenu normal pour chaque famille d'élever au moins un cochon et de le nourrir avec les restes des repas. Le cochon constituait ainsi l'équivalent alimentaire de la petite monnaie. Les porcs étaient ensuite mangés les jours de fête, mais ils servaient aussi de réserve de nourriture. Ainsi, ces animaux ont été associés symboliquement à un moyen d'épargner de la richesse partout dans le monde. Voilà un bon rappel qu'il n'y a de richesse que la vie, selon la phrase bien connue de John Ruskin, parue dans son livre qui a inspiré la pensée économique de Gandhi. Depuis, l'histoire de l'argile pig a été réfutée et retirée de Wikipédia. Cependant, si vous entrez les termes « pig piggy bank » dans votre moteur de recherche favori, vous trouverez des dizaines de milliers de pages publiées par des magazines financiers et des musées propageant cette histoire fausse. Ce récit nous détourne de la notion de richesse réelle pour nous orienter vers des abstractions telles que la monnaie et, bien sûr, vers les secteurs financiers. C'est une explication qui renforce la culture de la séparation entre l'humanité et la nature. Lorsque le tourisme s'est effondré pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux Balinais et de nombreuses Balinaises sont retournés dans leur village d'origine et ont repris l'agriculture. Bien que le tourisme soit un secteur crucial de l'économie balinaise, leur société était encore résistante à ce type de choc, car de nombreuses familles possédaient de petites parcelles agricoles et des animaux de ferme et pouvaient produire une partie de leur propre nourriture lorsque se tarissaient leurs revenus en espèces. Malgré le redémarrage du tourisme, de nombreux habitants et nombreuses habitantes prennent désormais la sécurité alimentaire plus au sérieux. Je n'ose imaginer comment les habitants et habitantes des économies plus « avancées » entre guillemets réagiraient à une telle dévastation de leurs revenus. D'après les données du chapitre 6, il est probable qu'on le saura bien assez tôt. se repérer au milieu du chaos. La rupture du lien entre l'être humain et son environnement est au centre de nombreuses discussions dans la philosophie environnementale et dans les communautés militantes. On parle moins de la façon dont l'argent et les systèmes monétaires ont ancré cette illusion de séparation dans notre culture et l'ont amplifiée à un point véritablement écocidaire. Dans ce chapitre, nous examinerons ce processus. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est important d'entreprendre cette réflexion. Premièrement, si l'on ne comprend pas certaines des principales causes de notre situation inextricable, on risque non seulement de rester inefficace, mais aussi d'aggraver la situation en y apportant de mauvaises réponses. Deuxièmement, si l'on ne comprend pas la manière dont le pouvoir monétaire a manipulé la conscience humaine, les personnes conscientes de la tragédie de notre situation pourraient en conclure qu'elle est inévitable et qu'elle est le résultat de la nature humaine. Cela pourrait les rendre quelque peu insensibles, voire misanthropes. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les humains peuvent vivre dans des sociétés qui ne détruisent pas la nature, et ces sociétés peuvent apprendre à changer lorsqu'elles s'avèrent destructrices. Dans ce chapitre, nous verrons que les systèmes monétaires et les classes au pouvoir ont joué un rôle crucial en ce qui concerne le colonialisme et l'impérialisme, qui tous deux ont détruit des sociétés qui vivaient plus en équilibre avec la nature. Je démontrerai comment le pouvoir monétaire a été impliqué dans la reproduction de divers paradigmes restrictifs et destructeurs, y compris le néolibéralisme, la modernité et même le patriarcat. Nous observerons ensuite qu'en créant un impératif de croissance pour les économies et un impératif d'expansion pour les entreprises, un type particulier de système monétaire nous a habitués et rendus insensibles à l'oppression sociale, environnementale, culturelle et politique. Ce pouvoir monétaire n'est pas un accident, mais a été mis en place par un ensemble de personnes, d'organisations, de ressources, de normes et de règles au service des riches. C'est ce que j'appelle dans ce livre le pouvoir de l'argent. Money Power. Ce n'est pas la nature humaine qui a rendu inévitable l'omnicide. L'humanité a existé pendant des millénaires sans tout détruire. Ce n'est pas non plus l'invention de l'agriculture. Les humains ont été capables de s'auto-modérer pendant des millénaires, comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre. Ce n'est pas non plus l'invention de l'alphabet. Nous avons beaucoup écrit, et pendant des milliers d'années, avant de commencer à écrire des livres sur l'effondrement de la civilisation moderne. Ce n'est pas non plus l'anthropocentrisme. Bien que mon chat semble très centré sur le monde des chats, ses semblables n'ont pas anéanti des millions d'espèces, seulement quelques spécimens près de chez moi. Ce n'est pas non plus la découverte des combustibles fossiles qui a tout détruit. Il n'y avait aucune raison pour que nous les brûlions tous, instinctivement, dans une course de plus en plus folle. En effet, aucun instinct naturel ne nous pousse à vivre dans une accélération constante de notre quotidien. Mais nous vivons dans des sociétés qui ne peuvent que devenir de plus en plus frénétiques. En effet, la production, le commerce et la consommation de toutes choses, même des formes de loisirs, doivent nécessairement s'accélérer à des rythmes en perpétuelle augmentation. Nous appelons cela la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation du volume d'argent échangé et, par conséquent, de la masse monétaire elle-même. Plus loin dans ce chapitre, j'expliquerai comment cette accélération perpétuelle qui conduit à produire, consommer et jeter nous est inculquée par les systèmes monétaires qui nous l'imposent. Mais je veux d'abord expliquer comment le pouvoir de l'argent, par la façon dont il a conçu les systèmes monétaires, a permis à divers systèmes culturels oppressifs de renforcer leur pouvoir. Il peut être utile de considérer la manière dont ces systèmes culturels sont imbriqués, comme des poupées russes. Par exemple, si l'on considère l'économie néolibérale comme une idéologie destructrice et oppressive, et qu'on décide d'analyser ce qui pourrait la sous-tendre, on constate qu'elle a émergé d'une forme mondialisée du capitalisme, qu'elle a ensuite renforcée. Si l'on regarde ce qui soutient le capitalisme mondialisé, on trouve ses racines au sein du capitalisme national dans la libéralisation des institutions sociales que sont les syndicats, les religions et l'État. Si l'on examine les fondations du capitalisme au niveau national, on découvre d'abord l'industrialisme, qui a fait que la production de masse utilisant des machines et des combustibles fossiles a créé de nouvelles possibilités d'accumulation de capital. L'industrialisme est une doctrine économique qui fait reposer la société moderne sur la maîtrise de la nature par l'être humain au moyen de deux éléments, la science et la technique, d'une part, et la science sociale, de l'autre. Si l'on observe ce qui sous-tend l'industrialisme, on tombe sur les valeurs et les attitudes de la modernité, y compris une plus grande importance accordée aux capacités technologiques. Si l'on cherche ce qui se cache sous la modernité, on rencontre des modèles de pouvoir appelés impérialisme et colonialisme. La relation entre ces deux éléments qui perdurent aujourd'hui est la raison pour laquelle je décris l'époque actuelle comme l'ère de la modernité impériale. Il s'agit également d'éviter l'erreur courante dans la sociologie contemporaine qui consiste à considérer la modernité comme problématique uniquement en raison d'un excès de rationalité, de science et de technologie. Plus profondément, si l'on creuse au-delà de l'impérialisme et du colonialisme, on trouve le patriarcat, qui fait que les aspects de l'humanité considérés comme masculins sont valorisés et promus davantage que ceux considérés comme féminins. Si l'on regarde en dessous du patriarcat, on trouve une désacralisation de la nature associée aux religions monothéistes. Quant à ce qui a donné à la fois le patriarcat et cette désacralisation selon certaines théories, la raison aurait trait aux impacts de l'agriculture sur la conscience humaine et les hiérarchies sociales. Nombre de chercheurs et chercheuses consacrent leur carrière tout entière à explorer ces différentes catégories d'idéologies ou de paradigmes, les relations entre elles, leurs avantages et leurs inconvénients. Mais ce qui importe, c'est la raison pour laquelle nous entreprenons de tels efforts intellectuels. J'ai remarqué que certaines personnes préfèrent aller toujours plus en profondeur et découvrir les poupées russes idéologiques qui sont nichées en dessous, d'une manière qui annule tout élan d'action au niveau de l'idéologie la plus superficielle. On voit cette tendance à l'œuvre quand quelqu'un nous dit « En fait, ce n'est pas vraiment le capitalisme qui a causé notre crise écologique, mais les effets de l'agriculture sur la psyché humaine, il y a environ 7000 ans. » Ce que cette personne veut peut-être dire en réalité, c'est plutôt « Je veux satisfaire mon besoin de me sentir et de paraître intellectuel et éthique, tout en me détournant de toute analyse qui pourrait rendre ma vie inconfortable si je commençais à prendre position contre des personnes et des institutions riches ou puissantes. » Plutôt que de nous fourvoyer de la sorte, il est important de comprendre comment les systèmes du pouvoir monétaire ont soutenu l'existence, l'extension et l'évolution de ces idéologies et paradigmes oppressifs. Dans ce chapitre, j'expliquerai les différentes étapes qui ont marqué ce processus. Comme je l'ai déjà dit et répété dans les pages qui précèdent, l'omnicide actuel n'est pas la fatale conséquence de la nature humaine. Si j'ai insisté sur ce point, c'est parce que la perspective depuis laquelle on aborde cette discussion philosophique, qui dure depuis si longtemps, est d'une importance cruciale pour la façon dont nous vivons à l'ère de l'effondrement. Vous savez peut-être déjà que selon Thomas Hobbes, philosophe du XVIIIe siècle, les êtres humains sont naturellement égoïstes et agressifs, et seul l'État les civilise et leur permet de coopérer pour leur propre bien. À l'inverse, d'autres philosophes politiques, comme Pierre Kropotkin, affirment que nous sommes naturellement coopératifs et de nombreuses études fournissent des exemples d'organisations communautaires sans autorité suprême ayant le monopole de la violence. Le même clivage apparaît chez les biologistes. Certains et certaines affirmant que nous sommes naturellement compétitifs et compétitives, tandis que d'autres soulignent que nous sommes une espèce sociale qui coopère pour se nourrir, s'abriter et se défendre. Enfin, en religion, il y a le clivage entre des philosophies comme celle du Brahma-Vihara, que j'ai mentionné dans l'introduction, et le point de vue selon lequel les humains sont avant tout des pécheurs et pécheuses qui doivent se racheter par le repentir. Les versions modernes de cette dernière vision négative de la nature humaine proviennent de philosophies affirmant que les êtres humains sont égoïstes et agressifs parce qu'ils confondent l'instinct et la pensée et qu'ils doivent donc se racheter en s'inscrivant aux ateliers proposés par ces mêmes philosophes. Dans leur ensemble, ces discussions peuvent nous conduire à tourner en rond, dans la mesure où elles détournent notre attention de la manière dont certains systèmes alimentent différents aspects de notre identité. Nous ne grandissons pas et nous ne vieillissons pas dans un vase clos. Nous ne sommes pas autonomes, mais saturés par la culture dans laquelle nous vivons. Cette dernière est ancrée très profondément en nous, comme nous l'avons vu au précédent chapitre. C'est pourquoi les vertus humaines du Brahma Vihara, évoquées dans l'introduction, décrivent un état originel de l'humanité antérieur aux illusions qui peuvent se développer au cours de notre vie. Dans ce chapitre, nous étudierons comment les systèmes monétaires influencent nos pensées et nos émotions, et donc comment la entre guillemets nature humaine dont nous faisons l'expérience est façonnée par ces systèmes. Mais avant d'aller plus loin, une bonne illustration de ce point est à trouver du côté du génocide des sociétés dont nous venons de parler au chapitre 9. Le piège de la dette. L'anthropologue David Graeber a beaucoup écrit sur la nature de l'argent et de la dette. Dans son analyse de l'expédition de Hernán Cortés visant à conquérir les Aztèques au XVIe siècle, il explique que Cortés vivait au-dessus de ses moyens et qu'il avait besoin de l'or aztèque pour rembourser ses créanciers. Pour aider à comprendre la sauvagerie des conquistadors, Graeber montre que la mission coloniale était structurée de manière à les endetter au point qu'ils en viennent à désespérément tenter d'obtenir des métaux précieux. Bien que d'autres facteurs, tels que le racisme, aient aussi eu un impact, il explique que l'urgence des dettes qui ne faisait que s'aggraver et s'accumuler sous-tendait leur attitude tout entière et entraînait chez eux des comportements frénétiques. Graeber observe que des dynamiques similaires étaient à l'œuvre lors de la quatrième croisade. Je cite, « avec ses chevaliers endettés, qui, à l'étranger, dépouillaient des villes de l'ensemble de leurs richesses et finissaient pourtant par n'avoir gagné qu'un bref répit de la part de leurs créanciers. » Fin de citation. Il démontre que des banques italiennes étaient mêlées à chacun de ces deux épisodes. Il avance également que la raison pour laquelle l'usure a été interdite par l'Église est que l'augmentation soudaine des dettes peut rapidement devenir un tel impératif que toute moralité semble frivole en comparaison, y compris celle dictée par l'Église. Nous ne savons pas comment les interactions entre les Européens et les peuples du Proche-Orient ou des Amériques auraient évolué sans l'influence des dettes avec intérêt composé. Cependant, nous savons que la dette a influencé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous pouvons nous référer à ces analyses pour comprendre comment des personnes maltraitées peuvent devenir agresseuses à leur tour, quand elles sont poussées au désespoir par leur situation financière. Lorsque les créanciers et créancières utilisent leur pouvoir politique pour exiger les remboursements prévus, y compris les intérêts, la gentilité morale des débiteurs et débitrices se trouve compromise. En sciences sociales et en philosophie, l'agentivité, adaptation de l'anglais agency, est la faculté d'action d'un être, sa capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, et les transformer ou les influencer. Ces processus peuvent se jouer à l'échelle de pays entiers. Les gouvernements vendent les biens de l'État, autorisent le saccage de leur environnement et réduisent les services de base aux plus démunis afin de rembourser leurs dettes internationales ou de satisfaire les marchés des obligations d'État. La dette n'est pas foncièrement une mauvaise chose, elle est même fondamentale pour la coopération humaine. Du point de vue de l'individu, elle nous permet de déplacer notre consommation dans le temps. Du point de vue économique, elle permet un volume de transactions beaucoup plus important que ce qui serait possible avec une quantité limitée de la masse monétaire. Mais tout système de dette peut être utilisé pour contrôler les gens. Et parce que la dette portant intérêt est la source de notre masse monétaire, nos sociétés sont saturées par la dette et par des relations de pouvoir inégales entre créanciers créancières et débiteurs débitrices. Il est normal de payer sa maison deux fois, de rembourser ses dettes d'études avec des Mac Jobs mal payés, ou même avec de la prostitution très bien payée à Davos, et de payer des prix 10 fois plus élevés parce que toute la chaîne d'approvisionnement est financée par l'endettement. Aujourd'hui, c'est l'endettement qui distingue la minorité, qui est libre, de la majorité, enchaînée. Le poids global de la dette s'alourdit inexorablement. À l'échelle mondiale, le volume des dettes est plusieurs fois celui de l'argent disponible pour les rembourser. Cela n'est compréhensible que si l'on sait que les banques privées créent l'argent moderne sous forme de dette et que cette dernière augmente ensuite par le biais des intérêts, comme nous l'avons vu au chapitre 2. Comment les systèmes monétaires favorisent les paradigmes restrictifs. Les réflexions des anthropologues spécialistes des monnaies sur l'histoire de l'impérialisme et du colonialisme sont utiles pour révéler le rôle du pouvoir monétaire dans le façonnement des comportements des personnes et des institutions. Au fur et à mesure que les banques ont joué un rôle plus important dans le financement de l'État, du commerce et des particuliers particulières, le rôle et l'impact du pouvoir de l'argent se sont encore accrus. Les grandes entreprises qui ont mené la révolution industrielle dépendaient absolument de ces formes de financement. Le capitalisme moderne n'est donc pas seulement une affaire d'argent, mais repose entièrement sur le crédit. L'émission d'argent aux entreprises, lorsque ces dernières empruntent auprès des banques ou vendent leurs obligations, a permis de réduire les salaires et le prix des matières premières, ce qui a eu des effets sur les relations entre employeurs, employeuses et employés à l'échelle mondiale, comme décrit au chapitre 1. Par conséquent, la mondialisation économique n'a pas seulement été rendue possible par les progrès technologiques dans le domaine des communications et des transports, mais aussi par le système monétaire. Le fonctionnement des plus grandes places boursières du monde et le rôle des systèmes monétaires sont au cœur du capitalisme moderne et de la mondialisation. En termes simples, chaque société cotée en bourse doit non seulement réaliser des bénéfices, mais aussi viser un prix de l'action qui augmente à un rythme au moins supérieur à la moyenne du marché boursier. Dans le cas contraire, les investisseurs, investisseuses et les spéculateurs, spéculatrices pourraient vendre de plus en plus de leurs actions dans cette entreprise, pour réaliser un gain plus important ailleurs. Bien que les versements aux actionnaires ou dividendes soient l'un des facteurs, ils ne sont plus la principale considération. En effet, cette dynamique exerce une pression sur les sociétés cotées pour qu'elles ne se contentent pas de réaliser des bénéfices aujourd'hui, mais qu'elles développent des stratégies qui, selon les analystes, leur permettront d'accroître leur part de marché et leur rentabilité à l'avenir. Cela les soumet à un impératif d'expansion. Les fusions et acquisitions sont l'un des moyens de s'étendre. La capacité des banques privées à créer l'argent qu'elles prêtent aux entreprises, sous forme de dettes ou par l'achat d'obligations d'entreprises, a permis des rachats d'entreprises avec effet de levier. Cela signifie que toute société cotée en bourse est vulnérable aux offres publiques d'achat hostiles, et doit être constamment attentive aux pressions à la baisse qui s'exercent sur le cours de ses actions. En outre, l'empressement avec lequel le secteur financier prête à d'autres acteurs du monde de la finance fait que les instruments financiers, dont il existe une myriade, tels que les marchés à terme et le trading à haute fréquence, sont presque toujours liquides. À cause de ces facteurs, les entreprises abordent leurs activités commerciales de manière à rechercher des positions de marché importantes, voire monopolistiques, et à externaliser les coûts sur la société et l'environnement. Telle est la dynamique fondamentale des marchés boursiers rendue possible par les systèmes monétaires. Quant aux normes environnementales, sociales et de gouvernance, qui ne sont qu'optionnelles, elle n'y remédie pas. Au contraire, ces mesures sont devenues une nouvelle arène de comptabilité créative et d'influence irresponsable dans la sphère publique. Le terme de néolibéralisme est utilisé comme couverture idéologique pour expliquer la poursuite de mesures toujours plus poussées en matière de privatisation, de déréglementation et d'augmentation de la précarité sur le marché du travail. J'appelle cela une couverture, car ce genre de mesures politiques sont en fait imposées par la nécessité d'accroître continuellement l'ampleur de l'activité économique dans le secteur privé, afin d'assurer le service des dettes existantes et de justifier la création de nouvelles dettes. Le néolibéralisme n'est que l'aboutissement naturel de dynamiques qui sont depuis longtemps foncièrement indissociables du système monétaire, tels que la croissance, les inégalités et le colonialisme. Comme je l'ai expliqué au chapitre 2, il ne sert à rien de se préoccuper des conséquences négatives d'une croissance économique effrénée si cela nous conduit à croire que, pour résoudre ces problèmes, il suffirait d'accorder une importance moindre à cette croissance. En effet, il faut tenir compte de la manière dont la croissance est bel et bien impérative au sein des sociétés dépendantes d'un argent qui est émis sous forme de dette portant intérêt, dans une économie où cet argent peut être thésaurisé, loin de la circulation et hors d'accès des débiteurs et débitrices. Comment les systèmes monétaires basés sur la dette et porteurs d'intérêt, administrés par le pouvoir de l'argent, se rattachent-ils aux structures de pouvoir sous-jacentes que désignent les termes de modernité, de patriarcat ou de désacralisation de la nature? Rappelons que la modernité implique une panoplie d'attitudes en lien avec la suprématie humaine, le contrôle de la nature, les avantages inhérents à l'innovation technologique, le progrès éternel et la priorité donnée à la rationalité par rapport à d'autres voies d'accès à la connaissance. Les personnes et les organisations qui défendent de tels points de vue et les mettent en pratique sont plus susceptibles de travailler pour des organisations commerciales, plus susceptibles d'adopter une approche expansionniste et plus susceptibles d'obtenir des crédits. Nul besoin d'aller jusqu'à imaginer un directeur de banque se demandant si son établissement va plutôt financer une chamane ou un promoteur immobilier, pour comprendre comment les systèmes monétaires s'alignent sur certaines attitudes et certains comportements, et non sur d'autres. Les cadres idéologiques du patriarcat et de la désacralisation de la nature s'inscrivent clairement dans la modernité telle que je viens de la décrire. Cependant, considérer le rôle des anciens systèmes monétaires dans l'émergence de ces idéologies et formes d'organisation humaine impliquerait de se replonger dans les profondeurs de l'histoire, ce qui n'est pas le propos de ce livre. Ce que je souhaite souligner avant tout, c'est que les systèmes monétaires, par leur nature même, affectent la conscience et la culture humaine. Ils récompensent certaines attitudes et certains comportements, en étouffent d'autres simultanément et contraignent parfois à des comportements violents, ce qui a abouti à de plus vastes formes d'oppression depuis de nombreux siècles au moins. Il est donc regrettable que les économistes néolibéraux et néolibérales ne se penchent pas sur le sujet de l'argent, aussi incroyable que cela puisse paraître. Ils et elles ont tendance à le traiter comme de l'huile qui lubrifie un moteur, mais qui n'affecte ni la vitesse ni l'efficacité de la voiture. De ce fait, ils et elles évitent de s'interroger sur ce qui constituerait la bonne quantité de monnaie pour une économie, sur la manière dont cet argent devrait être émis et par qui, ou encore sur la gouvernance du pouvoir allant de pair avec le droit d'émission. C'est pourquoi la plupart des commentateurs et commentatrices et des politiciens-politiciennes se sont montrés incapables de comprendre que le système monétaire est l'une des causes profondes de la situation insoluble dans laquelle se trouve l'humanité, y compris en ce qui concerne les crises climatiques et écologiques. Je ne dis pas que l'argent est en soi socialement destructeur. Lorsque j'ai commencé à comprendre le rôle structurel des systèmes monétaires pour nos sociétés et leurs problèmes, je me suis plongé pendant quelques années dans l'histoire, la sociologie et l'anthropologie de la monnaie et j'ai conçu un cours en ligne de niveau master sur le sujet. J'ai appris combien les monnaies et les accords de crédit sont efficaces pour coordonner un grand nombre de personnes afin qu'elles travaillent ensemble à des projets collectifs. Je me suis rendu compte que nous pouvons identifier tout au long de l'histoire une tension entre les approches descendantes et ascendantes de l'argent. Lorsque monnaie et crédit sont émis et échangés par les utilisateurs-utilisatrices, cela peut favoriser la collaboration ainsi qu'une forme d'intelligence décentralisée car les personnes échangent entre elles. Cependant, pour les puissants-puissantes, l'argent a d'autres fonctions. Les autorités auraient plus de mal à définir et à collecter les contributions des citoyens-citoyennes aux projets nationaux sans pouvoir s'appuyer sur l'argent. La monnaie facilite la collecte et l'allocation des ressources car elle permet de considérer toute ressource à l'aune de la monnaie et donc de comparer les ressources les unes aux autres. Par ailleurs, les riches, dans une société donnée, sont intéressés par l'argent pour d'autres raisons. En effet, il est beaucoup plus facile de le créer, de le déplacer, de l'échanger, de le cacher, de le voler et de le blanchir que la richesse sous n'importe quelle autre forme physique. Techniquement et juridiquement, tout l'argent est aujourd'hui organisé institutionnellement du haut vers le bas et il sert les riches bien plus que les personnes ordinaires. L'argent est une technologie sociale étonnante que nous serions bêtes d'ignorer. Mais nous avons été assez bêtes pour la laisser nous gouverner, comme le démontrera la section suivante. La routine de l'oppression socio-environnementale. De toute évidence, à cause du risque de dépassement des limites écologiques et de la rupture des fondements biosphériques et climatiques des sociétés modernes, chapitres 4 et 5, continuer sur notre trajectoire destructrice et polluante est une très mauvaise idée. C'est pourtant ce qu'exige notre système monétaire, comme nous l'avons vu au chapitre 2. Ce n'est que dans la situation impossible où tout l'argent gagné serait immédiatement dépensé et donc remis en circulation, qu'une masse monétaire émise sous forme de dette portant intérêt pourrait être stable. En réalité, l'économie doit continuer à croître pour que de nouveaux prêts puissent être accordés, afin d'éviter que la masse monétaire ne diminue au fur et à mesure que les anciens prêts sont remboursés. J'ai coécrit tout un article scientifique sur les mécanismes de cet impératif de croissance monétaire, et j'en recommande la lecture. Par ailleurs, comme nous l'avons vu au chapitre 3, le PIB est étroitement lié à la consommation d'énergie, laquelle est en lien direct avec les émissions de CO2. Un découplage plus général entre le PIB et la consommation de matières premières ne s'est pas non plus produit, comme nous l'avons vu au chapitre 1 et 4. Par conséquent, l'impératif de croissance du PIB est en fin de compte suicidaire. Néanmoins, en tant que société, nous ne sommes pas libres de choisir une autre voie, à moins que le système monétaire ne soit radicalement modifié. Parce que les entreprises doivent continuer à se développer dans une économie qui doit continuer à croître, la publicité joue un rôle clé dans la création de la demande chez les consommateurs et consommatrices. De ce fait, nos techniques de communication les plus avancées ne sont pas employées pour nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes, à comprendre les autres ou à comprendre la réalité dans un processus collectif de découverte de soi, mais pour donner envie d'acheter des produits. Aux États-Unis, on estime que les enfants voient environ 40 000 publicités par an entre la télévision, la radio, Internet, les panneaux d'affichage et d'autres médias. Cela représente plusieurs centaines de milliers de publicités avant d'atteindre l'âge adulte. Ces contenus nous encouragent à valoriser les expériences, possessions matérielles et symboles de statut que l'on peut acheter, au détriment de la richesse originelle offerte par la nature, les amitiés et la famille. La plupart des publicités visent à nous donner le sentiment que nous manquons de quelque chose si l'on n'achète pas ce qu'elles proposent. Elles promeuvent souvent des aliments malsains, tout en affectant notre estime de soi par le biais d'images de corps et de modes de vie irréalistes. Les publicités peuvent également créer des besoins complètement nouveaux et inutiles, comme les crèmes de blanchiment de la peau. Lorsque j'ai interrogé le PDG d'une grande entreprise multinationale lors d'une cérémonie de remise des prix organisée par le Guardian au sujet de ses publicités racistes en Inde pour promouvoir ses produits, il m'a expliqué que les mêmes critiques avaient été formulées par des extrémistes dans le passé à l'encontre des déodorants. Le fait que cet homme ait comparé des couleurs de peau foncée à des odeurs corporelles, juste après son discours sur la solidarité envers les pauvres dans le monde, m'a permis de réaliser à quel point le domaine de la durabilité des entreprises dans lequel je travaillais n'était vraiment qu'un tissu de conneries. L'un des problèmes d'un système monétaire dans lequel les banques privées émettent la masse monétaire est que leurs prêts sont biaisés en faveur de ce qui est peu risqué et très lucratif. Elles favorisent l'octroi de prêts à toute activité qui est à la fois rentable et pouvant donc facilement assurer le service de la dette, d'ampleur importante et donc réduisant les coûts administratifs relatifs, et déjà facilement comprise comme une catégorie d'investissement, tout en s'assortissant de garanties, afin que les banques puissent récupérer leurs fonds au moindre problème. C'est pourquoi le secteur des petites entreprises est si mal servi par les banques par rapport aux grandes activités commercialement établies, comme l'extraction de combustibles fossiles ou les emprunts hypothécaires des ménages. Une étude menée au Royaume-Uni a révélé qu'environ 55% de l'argent créé par les banques était fourni à des particuliers et particulières, principalement sous forme de prêts hypothécaires pour l'achat de biens immobiliers. Cet accès plus facile au crédit augmente de manière significative les prix de l'immobilier, phénomène bien documenté dans la littérature scientifique et qui ne se limite pas aux économies occidentales. Plus les prix augmentent, plus les acheteurs et acheteuses sont poussés dans les bras des banques, à la recherche d'une dette hypothécaire toujours plus importante pour acquérir leurs biens immobiliers. Il en résulte des prêts plus élevés, des profits plus importants pour les banques, une hausse des prix de plus en plus inévitable à long terme et donc encore plus de prêts, ce qui forme un cercle vicieux. Au Royaume-Uni, un logement moyen coûte plus de 8 années de salaire moyen. Même le crash de 2008 n'a pas permis d'enrayer la tendance très longtemps, et si jamais la hausse des prix de l'immobilier est légèrement perturbée, les gouvernements interviennent désormais pour tenter de relancer le marché du logement afin de maintenir un sentiment d'aisance financière au sein de la population. Tout le monde est concerné, puisque les loyers suivent le coût des emprunts immobiliers. 4 décennies après la déréglementation des banques, environ 2/3 des adultes célibataires sans enfants âgés de 20 à 34 ans au Royaume-Uni vivent dans la maison de leurs parents. Celles et ceux qui déménagent consacrent une telle portion de leur salaire à payer leur loyer ou à rembourser leur crédit immobilier qu'ils et elles sont incapables d'épargner. Ce qui est peut-être encore plus grave, c'est la façon dont le coût du logement affecte les choix des gens vis-à-vis de leur travail. De nombreuses personnes m'ont dit que c'était principalement pour rembourser leur crédit qu'elles restaient dans un emploi donné. Pire encore, certaines d'entre elles sont piégées dans des lieux de travail toxiques, car si elles perdaient leur emploi, elles ne pourraient plus assurer ce remboursement. L'une de ces personnes dans mon entourage a développé des problèmes de santé chroniques liés au stress. Bien qu'un congé de maladie de quelques mois ait amélioré son état de santé, elle a repris le travail par crainte de ne pouvoir rembourser son emprunt immobilier. Pour l'individu, il est certes satisfaisant de devenir propriétaire, mais à l'échelle de la société, le système monétaire a créé une forme d'oppression systémique par le biais d'un système de gonflement des prix de l'immobilier. Dans mon cas, je n'ai jamais pu accepter l'idée de travailler juste pour rembourser un emprunt. Au lieu de cela, j'ai échappé à cette situation en vivant pendant des années dans différents pays du Sud, où les loyers étaient très bon marché, ce qui m'a permis d'économiser pour acheter un terrain ainsi qu'un appartement sur plan, que j'ai payé au fur et à mesure de sa construction. Je n'ai donc jamais envisagé d'acheter de l'immobilier dans mon pays de naissance, le Royaume-Uni, et je ne le ferai jamais. Cependant, cela crée une certaine incertitude quant à mon avenir. Quand on sait que l'État ne s'occupera pas de nous si nous n'avons pas les moyens de payer un loyer et des frais de subsistance au fur et à mesure que nous vieillissons, cela peut être une motivation supplémentaire pour acheter une maison. Parce que les gouvernements n'émettent pas leur propre monnaie, mais l'empruntent auprès d'émetteurs privés, c'est-à-dire les banques, les déficits publics sont élevés, les impôts augmentent et les services publics aux nécessiteux et nécessiteuses sont continuellement réduits, ce qui accroît le sentiment d'insécurité. Dans certains pays, la situation est telle que la majorité des recettes fiscales est simplement consacrée au service de la dette publique, souvent envers des créanciers étrangers. Il est impossible de savoir à quoi ressemblerait la société si davantage de personnes pouvaient explorer tranquillement leurs appétences et leurs talents, sans craindre que leur mode de vie ne devienne économiquement non viable. Cependant, mon expérience au sein de la communauté des nomades numériques, Digital Nomads, c'est-à-dire des personnes s'appuyant sur leurs privilèges, accès à un passeport utile et à une monnaie forte, pour déménager vers des pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas, afin d'expérimenter en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse et créative de toutes sortes, m'a donné un aperçu de ce qui aurait pu être possible pour d'autres personnes moins privilégiées dans un contexte différent. D'autres générations ont connu des possibilités similaires, comme les baby boomers, profitant de l'abondance des années 1960 et 70 en Occident. On trouve la trace de ces pressions économiques sur notre mode de vie dans des données récentes de l'OCDE, qui révèlent que les gens passent environ 6 heures par semaine à interagir avec leurs amis et leurs familles, soit une infime partie du temps qu'ils et elles consacrent au travail, en particulier si l'on tient compte du travail ménager non rémunéré. Il est choquant de constater qu'une personne interrogée sur 11 a déclaré ne pas avoir de parents, parentes ou d'amis sur lesquels compter en cas de besoin. Notre bien-être personnel, notre vie associative, notre conscience politique et même notre activisme ont été affectés à un point inimaginable par les privations de liberté qu'impose la précarité économique, en partie causée par le pouvoir de l'argent. On peut admirer les grands-parents qui manifestent pour le climat et se collent à des routes ou des tableaux. Mais les caractéristiques démographiques de ces participants et participantes aux mouvements environnementaux en Occident constituent peut-être un autre signe de l'oppression affectant leurs propres petits-enfants, qui, sans cela, s'engageraient tout naturellement dans ce type d'action politique. Des études portant sur des sociétés ayant connu une transition récente met aussi en évidence l'effet des types de monnaie utilisés dans les sociétés modernes. Les changements sociétaux survenus dans la région indienne du Ladakh depuis la fin des années 1970, à l'occasion de son ouverture à l'Occident, ont montré ce qui peut se produire en de tels contextes, notamment l'érosion des formes existantes de communautés. C'est ainsi que d'anciennes traditions de coopération, telles que les systèmes de travail partagés, ont disparu au profit du travail salarié. Les anthropologues ont effectué des observations similaires dans d'autres parties du monde. Au Malawi, selon certains et certaines aînés, je cite, « l'argent a été responsable de la rupture de certains des liens du respect et d'honneur qui structuraient auparavant les relations sociales et économiques. En outre, les hommes ont été décrits comme étant devenus plus sauvages, plus impulsifs, et plus susceptibles d'agir selon leurs désirs et envies éphémères lorsqu'ils avaient de l'argent pour les aider. » Fin de citation. Suite à ses recherches sur le sujet, le philosophe Charles Eisenstein a conclu que, je cite, « la monétisation du capital social est un processus d'extraction brutale au sein de la communauté. Il n'est pas surprenant que l'argent soit profondément impliqué dans la désintégration de la vie communautaire, car l'argent est l'incarnation même de ce qui est impersonnel. » Fin de citation. Ces études soulignent l'effet qu'a probablement l'argent moderne sur nous toutes et tous qui vivons avec lui, le manipulons et le gérons jour et nuit. Certains, certaines avancent que pendant la majeure partie de l'évolution humaine, les sociétés ont fonctionné sur la base du don. De ce fait, le paradigme de l'échange, et avec lui peut-être celui de la propriété privée sur lequel il repose, serait contre nature et donc malsain pour notre bien-être physique et mental. De nombreux et nombreuses sociologues et psychologues qui étudient l'argent ont effectivement tendance à voir ses effets d'un œil plutôt négatif. Selon des études psychologiques, la richesse rend les gens avares et réduit leur empathie. Certaines expériences ont amorcé, mis en condition, les participants-participantes avec des mots et des images rappelant la finance ou même avec de l'argent physique, et ont ensuite comparé leur comportement à celui de sujets non amorcés. Ces études semblent montrer que le fait de rappeler aux gens qu'ils ont de l'argent affecte négativement leur honnêteté et leur éthique, ainsi que leur capacité d'appréciation. Une méta-étude de plusieurs de ces recherches basées sur un amorçage a conclu que les personnes exposées à l'argent ne sont pas prosociales, bienveillantes ou chaleureuses. Elles fuient l'interdépendance. Nos réactions face à l'argent ne sont peut-être pas seulement dues à l'argent en soi, mais aussi à notre expérience de l'argent dans les sociétés modernes, en raison de la façon dont il est émis sous forme de dette, avec des intérêts, et thésaurisé par des personnes et des organisations. En effet, il y a une rareté de l'argent dans ce système, et la plupart d'entre nous craignent donc d'en manquer. Cette crainte est aggravée par l'érosion des autres systèmes sociaux permettant de subvenir à nos besoins, car le système monétaire basé sur la dette les démantèle systématiquement. D'après certaines études, le fait d'être riche ne nous met pas à l'abri de ces préoccupations, puisque les riches épargnent une plus grande proportion de leur richesse que les pauvres. Ces études démontrent que les modes de transaction, et non pas seulement les modes de production, façonnent la conscience et les valeurs d'une société. De ce fait, collectivement, les gens ne s'entraident pas lorsque d'autres sont à court d'argent, sans dette, et subissent donc de nombreuses conséquences sur le plan de la santé physique et mentale. C'est ce que l'on constate dans tout l'Occident à l'heure où j'écris ces lignes, car une crise du coût de la vie, résultant des politiques monétaires scandaleuses menées pendant la pandémie, chapitre 2, pèse très lourdement sur les familles. La routine de l'oppression culturelle et politique. Au fur et à mesure que le capitalisme s'est mondialisé, il a davantage centralisé la richesse. Il enrichit les riches plus rapidement et plus tôt qu'il ne profite aux pauvres. Même avant la frénésie d'achat d'obligations d'entreprise qui a eu lieu pendant les années de la pandémie, la capacité des entreprises à accéder à des financements pour s'acquérir les unes les autres a eu un effet considérable sur la concentration du pouvoir à l'échelle mondiale. Une analyse portant sur un réseau ayant la propriété et le contrôle sur 43 000 entreprises transnationales a permis d'identifier un groupe de 737 entreprises qui, ensemble, avaient la mainmise sur 80% de la richesse totale de ce réseau. En 2020, deux sociétés de gestion d'actifs à elles seules contrôlaient environ 7% de l'ensemble des actifs mondiaux cotés en bourse, en termes de dollars. La plupart de ces actifs étant échangés automatiquement par des algorithmes. Cela explique en partie pourquoi les 8 hommes les plus riches du monde possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Comme nous l'avons vu au chapitre 7, ce niveau d'inégalité de richesse au sein des nations et entre elles exacerbe toutes sortes de problèmes sociétaux, allant de la dégradation de la santé publique à la diminution des niveaux de confiance sociétale et de participation politique. C'est ce qui constitue la désolidarisation des sociétés modernes. Bien qu'on nous ait appris à admirer les élites, aucun autre groupe social ne choisirait librement de maintenir en l'état une situation aussi étrange. Si je dis que nous avons appris à les admirer, C'est parce que la domination de nos systèmes monétaires façonne également ce que les sociétés considèrent comme des connaissances valorisées et des attitudes appropriées. Le domaine de l'économie constitue un bon exemple de la stupidité récurrente du pouvoir monétaire dans l'influence que ce dernier exerce sur des contributions intellectuelles qui viennent ensuite asservir ce même pouvoir. Pour être plus précis, certains et certaines économistes, influents, influentes, se concentrent sur les résultats financiers d'une manière qui néglige dangereusement les conditions d'existence même de la vie. C'est pourquoi certaines de ces personnes négligent l'impact du climat sur l'agriculture, au motif qu'elles ne représentent qu'une petite partie de l'économie, négligeant ainsi d'où les gens tireront leur nourriture dans un climat perturbé à l'échelle mondiale. C'est parce qu'ils portaient de telles œillères et se concentraient uniquement sur les données monétaires qu'un lauréat du prix Nobel d'économie a estimé que même un réchauffement moyen de 4 degrés par rapport au niveau pré-industriel serait tout à fait acceptable pour l'humanité. Les entreprises sont profondément impliquées dans la détermination de ce qui constitue un savoir, et cela a des effets extrêmement néfastes. Par exemple, les objectifs de l'industrie pharmaceutique ont une influence significative sur ce qui est considéré comme un savoir médical professionnel, car elle est le principal bailleur de fonds de la recherche médicale pour la mise au point de nouveaux médicaments. C'est cette industrie qui choisit les questions à poser, la conception et la mise en œuvre des essais cliniques, puis l'interprétation et la diffusion des résultats. L'une des conséquences est que les approches dominantes de la santé et du bien-être font la part belle aux thérapies médicamenteuses, plutôt qu'aux facteurs sociétaux et environnementaux, au mode de vie, à la médecine préventive, aux remèdes naturels, aux thérapies holistiques et aux médicaments dont le brevet est arrivé à expiration. Lorsqu'une vitamine peut réduire de moitié le risque de contracter une maladie grave, mais qu'il n'y a pas de profit significatif à tirer de sa vente, les normes de connaissance en matière de santé, telles que définies par les sociétés pharmaceutiques, font que davantage de personnes meurent parce qu'elles n'ont pas été informées de l'existence de cette vitamine ou parce qu'elles n'ont pas été aidées à se procurer des compléments alimentaires. Les connaissances et les politiques de santé de ce type peuvent sembler assez éloignées du fonctionnement des systèmes monétaires et pourtant, la prédominance des entreprises dans l'élaboration de ces connaissances et de ces politiques est en partie le résultat de ces systèmes. La politique monétaire permet aux entreprises d'accumuler et de contrôler tout ce qui relève de leur secteur. Et la maximisation des profits pour leurs intérêts propres détermine la manière dont connaissances et opinions sont discutées en public. L'un des moyens évidents d'y parvenir est pour elles de financer des instituts de recherche et des groupes de réflexion. Elles peuvent aussi acquérir des médias de masse, ce qui permet de définir ce qui est à l'ordre du jour des informations et ce qui constitue un contenu approprié, qu'il s'agisse de politique éditoriale ou de divertissement. Que de nouvelles plateformes médiatiques aient émergé ne change rien à l'affaire. En effet, on peut se demander à quoi ressemblerait l'Internet aujourd'hui si les processus permis par les systèmes monétaires, à travers le financement des entreprises, les marchés boursiers et la publicité, n'avaient pas créé un monde numérique détenu par des plateformes technologiques centralisées, dont le siège se trouve principalement aux États-Unis. Les médias interdépendants, eux-mêmes médiatisés par des sites tels que YouTube ou Medium.com, sont également soumis à ces incitations commerciales, en cherchant à fournir un contenu offrant des récits attrayants pour des publics ciblés et ne nuisant pas aux intérêts des propriétaires de la plateforme. Résultat, le dialogue public est empêché, les illusions sont entretenues et la désintégration de la confiance et de la compréhension, résumée au chapitre 7, se poursuit à toute allure. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'humanité n'a pas été en mesure de prendre conscience de son système défaillant. Chapitre 1. Ni du vol pur et simple commis pendant la pandémie, chapitre 2, ou de comprendre comment les difficultés auxquelles nous sommes personnellement confrontés sont liées à la rupture des fondements des sociétés modernes, chapitre 3 à 7. C'est aussi la raison pour laquelle, des conceptions confuses de la justice sociale se sont installées et nous ont détournés de la mise en œuvre d'efforts cohérents en matière de solidarité et de changements sociétaux. Chapitre 8. Les intérêts financiers se sont encore davantage emparés des sociétés modernes du fait de la dépendance de plus en plus marquée de ces dernières envers les moyens de paiement électroniques. Par conséquent, nous sommes maintenant constamment surveillés et au quotidien, le bon fonctionnement de notre vie économique nécessite que certaines entreprises ne soient pas en désaccord avec nos opinions politiques. Lors d'un paiement électronique classique par carte de crédit dans un magasin, au moins 6 entreprises sont impliquées dans l'exécution du processus, chacune conservant les données et étant théoriquement en mesure de bloquer la transaction. La boutique, la banque acquéreuse, l'émetteur de la carte bancaire, le réseau auquel appartient cette carte, l'entreprise de traitement des paiements, plusieurs entreprises de sécurité et de prévention des fraudes, ainsi que d'autres sociétés autorisées à utiliser les données collectées. Le nombre d'entreprises impliquées est encore plus important si l'on paye avec son téléphone. Les données collectées sont nombreuses et portent sur les parties à la transaction et leurs données personnelles, ainsi que l'objet, le montant et la date et l'heure de la transaction. Ces données peuvent ensuite être recoupées avec d'autres ensembles de données relatives à cette personne ou à cette entreprise. La puissance de ces données dans un but de surveillance est d'ores et déjà mise à profit. Le pouvoir d'empêcher les transactions, lui aussi, a fait l'objet de certaines utilisations et pas seulement pour prévenir la fraude. Par exemple, il est désormais largement employé, sans décision de justice, contre les entreprises accusées de violation des droits de propriété intellectuelle. En 2018, de grandes banques, dont Bank of America et Citigroup, ont annulé toute transaction utilisant leur carte de crédit pour acheter des crypto-monnaies. En outre, sans le soutien du moindre tribunal, la pression exercée par des politiciens états-uniens et politiciennes états-uniennes a conduit à l'interruption des services financiers fournis à une plateforme de publication indépendante et pacifiste, WikiLeaks. Quant à celles et ceux qui s'opposent aux propositions visant à permettre l'émission de monnaie numérique de banque centrale, MNBC, ils et elles ont jusqu'à présent ignoré les pouvoirs de surveillance et de coupure financière déjà à la disposition des entreprises privées et des gouvernements sans que ces institutions aient à rendre compte de leurs actes. Ces critiques ne se demandent pas encore quels devraient être les moyens pour nous de garder confidentiels nos paiements électroniques actuels et n'exigent pas non plus que cela soit inscrit dans la loi, mais laissent entendre que le système monétaire actuel vaudrait la peine d'être défendu. Les stratèges des banques privées doivent se réjouir que de telles campagnes en faveur de la liberté monétaire défendent la tyrannie actuelle contre tout défi que peuvent représenter les MNBC. En effet, ces dernières pourraient même être programmées pour permettre des transactions entièrement privées sans le même traçage de données qu'avec les paiements électroniques actuels, s'il existait la volonté politique de façonner les politiques gouvernementales en conséquence. Bien entendu, ces stratèges ne font que leur travail, tout comme les conquistadors faisaient le leur peut-être. J'effectue cette comparaison parce qu'à chaque instant, des professionnels dans le milieu des entreprises prennent des décisions qui externalisent les risques et les coûts sur d'autres personnes, sur l'environnement et sur les générations futures, afin de garantir des profits plus importants aux actionnaires. La quasi-totalité d'entre elles et eux ont probablement des dettes d'emprunt immobilier. Tous et toutes connaissent sans doute la peur latente de manquer d'argent. Tous et toutes ont grandi dans des sociétés qui nous ont appris à nous sentir inadéquats et inadéquates, et qui nous ont inculqué le besoin de consommer des produits et des expériences. Avec de telles pressions et incitations, il n'est pas surprenant que ces personnes soient enclines à servir les structures de pouvoir par des actions qui, autrement, pourraient être considérées comme contraires à l'éthique. Certains et certaines de ces professionnels travaillent dans l'un des secteurs les plus rentables au monde et n'ont qu'une poignée de consommateurs avec lesquels communiquer. Il s'agit de l'industrie de l'armement, et ses consommateurs sont les gouvernements. Ce n'est qu'en cas de guerre ou de menace de guerre qu'un gouvernement pourra justifier des dépenses militaires. Voyez-vous à quel point est effrayant un système monétaire initiant la dynamique par laquelle toutes les entreprises, y compris les fabricants d'armes, doivent continuer à accroître leurs ventes. Les fabricants d'armes, tout comme les sociétés pharmaceutiques et toutes les grandes industries qui vendent directement au gouvernement, effectuent des investissements considérables pour influencer la vie politique et l'opinion publique. Ce n'est rien d'autre que du marketing. C'est pourquoi, au cours des 30 dernières années, depuis 1991, les dépenses militaires mondiales ont augmenté d'environ 40% en tenant compte de l'inflation. La part des États-Unis dans ces dépenses est passée d'environ 35% en 1991 à 39% en 2020, ce qui montre que beaucoup d'autres gouvernements sont eux aussi responsables et que cette augmentation est donc un phénomène de grande ampleur. Devons-nous en conclure que la nature humaine ne cesse de devenir plus violente? Ou bien ne vaut-il pas mieux reconnaître le rôle d'un système monétaire qui a rendu nécessaire la course aux armements et tous les récits militaristes, les conflits, la pénurie et la souffrance qui en découle? Une oppression moins violente mais plus directe résultant du système monétaire est due au fait que les banques privées créent l'argent que les gouvernements utilisent. Cela confère aux marchés obligataires internationaux un pouvoir énorme et décisif sur tous les pays. Si un pays élit un parti politique qui n'est pas suffisamment « business friendly », les financiers internationaux se débarrassent de leurs titres obligataires. Ils ne font pas cela par méchanceté, mais cela punit le gouvernement et le peuple en augmentant le coût des emprunts, ce qui appauvrit le pays. Cette pression s'exerce à tout moment, mais certains exemples historiques démontrent son impact écrasant, comme la crise financière asiatique des années 1990 et la crise de la dette grecque qui a débuté en 2009. L'élément clé pour tous les pays concernés est que les rendements de leurs obligations ont grimpé en flèche, ce qui a fait que les investisseurs internationaux ont perdu confiance. En outre, les politiques adoptées pour rétablir la stabilité financière comprenaient des réductions sans précédent des dépenses sociales, la privatisation des actifs de l'État et la déréglementation des marchés en faveur des capitaux internationaux. Il convient de rappeler les paroles de l'influent économiste John Maynard Keynes, selon lequel « tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons nous le permettre », décrivant comment le gouvernement a, s'il le souhaite, le pouvoir souverain de créer de l'argent pour mettre en œuvre la volonté du peuple. Cependant, le système monétaire ne fonctionne pas de cette manière aujourd'hui. Ainsi, les manipulations et l'oppression exercées en continu par la finance mondiale et les marchés obligataires constituent la démonstration la plus évidente qui soit de l'absence de toute souveraineté nationale et par conséquent de l'absence pour nous de toute véritable liberté. Une situation rendue possible par le choix politique de laisser les banques émettre notre argent. Tous les problèmes évoqués dans la première moitié de ce livre porte les traces de la finance mondiale et des marchés obligataires internationaux qui disciplinent, entre guillemets, la vie politique dans tous les pays pour s'assurer qu'ils marchent au pas vers toujours plus de profits obscènes et d'omnicides. Combiné à tous les autres facteurs que j'ai résumés ci-dessus, il est clair que le capitalisme enferme la plupart d'entre nous dans des systèmes de prise de décision inefficaces, voire carrément destructeurs. La fondatrice du Body Shop, la femme d'affaires et activiste britannique Anita Roddick, est arrivée à la même conclusion en 2007 et a qualifié cela de fascisme financier. Il aurait été intéressant de la voir porter cette critique auprès du grand public, mais elle est tragiquement décédée d'une hémorragie cérébrale quelques mois plus tard. À la lumière de cette historique, Il apparaît que l'escroquerie que constitue le programme d'achat d'obligations d'entreprise par les banques centrales, lancé sous le couvert de la pandémie, qui nous appauvrit toutes et tous par l'inflation, chapitre 2, n'est que le dernier exemple en date de la tyrannie d'un monde dirigé par les élites pour leurs propres intérêts. Malheureusement, les médias traditionnels et alternatifs ont continué à ignorer cette situation. Par conséquent, le désir de retrouver une souveraineté monétaire peut conduire à des campagnes confuses qui détournent notre attention du monopole privé existant actuellement sur l'émission de la monnaie et sur les systèmes de paiement. Ces campagnes devraient exiger que toutes les formes de monnaie nationale soient à la fois, de manière obligatoire et techniquement faisable, libres de toute surveillance et ingérence politique, y compris les dépôts électroniques que nous utilisons actuellement au quotidien, les autres formes de monnaie électronique qui sont de plus en plus gérées par des sociétés privées, et enfin les MNBC. Malheureusement, cet activisme se cantonne à diaboliser les MNBC. En d'autres termes, les prisonniers les plus soucieux de leur liberté sont ceux qui crient pour que les barreaux restent en place. Quel meilleur indicateur d'une domination hégémonique totale. L'une des causes principales de l'omnicide. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, il serait erroné de penser que nous sommes confrontés à de nombreux « agents Smith », surgis de toutes parts, alors qu'un seul code produit tous les coûts. Ce code, c'est le système monétaire, entretenu par le réseau de personnes et d'institutions qui, ensemble, constituent le pouvoir de l'argent. Se concentrer uniquement sur l'une ou l'autre crise ne nous aidera pas outre mesure. Dénoncer les abus individuels commis par des organisations ou des individus ne changera jamais le code. L'idée qu'une seule cabale est aux commandes n'est pas utile, car tous les fonctionnaires et agences du pouvoir de l'argent sont interchangeables. Dégommer les derniers abus en date des mondialistes et leurs affirmations saugrenues, comme dans le jeu du Whack-a-Mole, peut faire gagner des vues sur YouTube, mais ne permettra pas d'élaborer un programme cohérent. Référence à un jeu très populaire consistant à taper avec un marteau sur la tête d'une taupe surgissant de différents trous de manière imprévisible. Pire encore, cette tendance reflète notre obsession à blâmer les individus, elle-même produite par la modernité impériale, qui nous empêche de percevoir les véritables structures de pouvoir. Chapitre 8. Au lieu de cela, nous pouvons reconnaître comment le récit illusoire selon lequel la richesse est une chose séparée de la nature s'est trouvé intégré à nos systèmes monétaires, bancaires et financiers. Sur cette base, d'autres récits se sont alors développés, aggravant et amplifiant cette illusion de séparation. À l'époque moderne, les entreprises mondiales sont devenues les vecteurs de ces récits et d'une destruction intensifiée. Il s'agit essentiellement d'entités psychopathes, administrant un système mondial de modernité impériale qui manipule tous les aspects de la vie. Je parle ici de psychopathie à proprement parler, car les psychopathes tendent à faire preuve d'une indifférence et d'une insensibilité envers les sentiments des autres, d'une incapacité à entretenir des relations durables, d'un mépris pour la sécurité d'autrui, d'un recours à la tromperie pour leurs gains personnels, d'une incapacité à éprouver de la culpabilité et d'une incapacité à se conformer aux normes sociales. Dans un passé lointain, l'argent était un outil spécialisé et un serviteur utile de l'humanité. Mais peut-on imaginer pire dirigeant que celui qui considère le monde comme un simple instrument de sa propre expansion? Par des siècles de violence, ce dirigeant a mis en place des systèmes qui nous incitent à aspirer à une richesse toujours plus hallucinante, nous poussant à nous opprimer les uns les autres et à détruire cette planète qui est notre maison. Cette modernité impériale n'est pas seulement une culture dominatrice, c'est aussi une culture destructrice. En effet, nous ne pouvons pas être dominés à moins que ne soit détruit notre richesse et notre bien-être originel. Notre confiance, notre tranquillité d'esprit, notre accès à une abondance librement disponible et notre liberté de choix. Il y a plusieurs siècles, le pouvoir de l'argent a détruit, par l'endettement, la paix et la sécurité des marins espagnols qui sont devenus des conquistadors violents. Ensuite, la soif insatiable d'or et d'argent a détruit les cultures des peuples colonisés et continue de s'y employer encore aujourd'hui. De nos jours, elle détruit notre capacité à choisir librement nos projets collectifs par l'intermédiaire de nos gouvernements, elle anéantit notre capacité à être bien informés et à prendre le temps de découvrir qui nous sommes et comment nous souhaitons vivre. Elle entrave le dialogue public, de sorte que nous ne pouvons pas débattre sans recourir à l'idiote pensée binaire qui émerge sur la plupart des questions, et fondamentalement, malgré la résistance que mènent certains et certaines d'entre nous, les grand-mères balinaises par exemple, elle continue à détruire notre compréhension de la richesse. Car ce n'est qu'en détruisant la richesse originelle que le pouvoir de l'argent crée la nécessité pour nous d'utiliser ces monnaies de pouvoir. Cette culture destructrice doit être considérée pour ce qu'elle est, un culte mortifère, qui transforme la puissance de la vie en pathétique symbole de pouvoir. Comme le résume Vandana Shiva, la nature se contracte à mesure que le capital s'accroît. La destruction ne peut plus continuer très longtemps. À cause de l'impératif de croissance qui découle du système monétaire, les sociétés modernes s'effondreront plus durement et plus rapidement qu'elles ne le feraient sans lui. La vulnérabilité de ces sociétés se trouve amplifiée par la manière dont la dynamique de la croissance économique est intégrée au cœur de nos structures institutionnelles. Pour reprendre l'image suggérée par Benjamin Friedman, il faudrait considérer les sociétés modernes comme une bicyclette et la croissance économique comme l'élan qui propulse les roues. Tant que les roues d'une bicyclette tournent rapidement, il s'agit d'un véhicule stable. Selon Friedman, lorsque les roues ralentissent considérablement, par exemple en raison d'une stagnation économique, alors de graves menaces viennent à peser sur la démocratie, la liberté individuelle et la tolérance, même dans les pays où le niveau absolu de prospérité matérielle reste élevé. Pour évoquer la façon dont la rupture d'un des fondements d'une société peut provoquer une réaction en chaîne et une spirale descendante, des études sur les effondrements sociétaux passés ont introduit le terme d'effondrement catabolique. Cette perspective a fait son apparition dans les discussions de groupes de réflexion au Royaume-Uni, accompagnée de mises en garde contre une potentielle spirale de mort, doom loop, constituée de perturbations en cascade. Lorsque des personnes issues des institutions dominantes tâchent de mieux saisir notre situation actuelle, il se produit souvent un oubli et un effacement des études passées sur ces sujets, quand ces études aboutissent à des conclusions qui ne sont d'aucune utilité pratique pour les agents des systèmes de pouvoir en place. En réalité, et en dépit de beaux sentiments sur l'importance de l'équité, les spécialistes des institutions dominantes étudiant la crise systémique et l'effondrement se concentrent sur la manière de maintenir en l'état les systèmes existants. Bien que ces derniers soient impliqués dans des processus d'exploitation transnationale et soient à l'origine même de notre situation inextricable. Je ne note pas cela pour fustiger qui que ce soit, car quiconque choisit d'exister dans les cultures professionnelles qui causent l'omnicide doit faire des compromis avec ces discours hégémoniques. C'est pourquoi, même lorsqu'ils et elles prennent conscience du risque d'effondrement, de nombreux chercheurs et nombreuses chercheuses et décideurs-décideuses politiques soutiennent des programmes qui favorisent les intérêts des élites monétaires. Chapitre 13. C'est l'argent qui nous pousse à faire tout ça. Comment des générations de personnes ont-elles permis au pouvoir de l'argent de nous manipuler, de nous inciter et de nous contraindre à nous comporter de manière aussi oppressive et destructrice? Pour répondre à cette énigme, il faut tenir compte de la possibilité que ce n'est pas seulement parce que nous ne savions pas, mais que des caractéristiques spécifiques à l'argent ont fait que la plupart d'entre nous avons mis de côté nos doutes à ce sujet. Premièrement, bien que nous sachions qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui a une valeur tangible, comme une miche de pain ou une maison, pour que l'argent joue son rôle de puissante technologie de coordination sociale, nous devons croire qu'il est réel et agir en conséquence. Ce besoin pragmatique de faire semblant collectivement ne facilite pas l'analyse critique. Cet aspect de la monnaie est bien illustré par les jetons en os qui auraient été utilisés comme monnaie dans la Grèce antique. Ils portaient une inscription dite « orphique » sur l'une de leurs faces. Cela fait référence à l'histoire d'Orphée, qui s'est rendu aux enfers pour ramener son épouse d'entre les morts, où on lui dit qu'elle le suivrait pour revenir dans le monde réel, à condition qu'il ne se retourne pas avant d'atteindre la surface. Mais il a douté, s'est retourné, et elle était bien là, mais elle s'est immédiatement transformée en pierre. S'il n'avait pas douté, ce qui était mort serait revenu à la vie, tout comme les os du bétail mort, sacrifiés au temple, auraient trouvé une nouvelle vie en tant que monnaie et auraient donné un surplus de vie à la communauté grâce au pouvoir de coordination de l'argent. Le fait qu'à travers les cultures et les époques, les temples aient émis des monnaies et tenu des registres de crédit rappelle également que l'argent implique l'appartenance à une communauté de croyances partagée. Remettre en cause l'argent, c'est donc non seulement risquer que la magie n'opère pas, mais aussi s'aliéner de la communauté à laquelle on appartient. Un deuxième aspect de l'argent qui nous incite à ne pas le remettre en question est la façon dont il semble offrir une échappatoire vis-à-vis de certains aspects inconfortables de la vie, l'insécurité, la décrépitude et la mort. Nul besoin d'être aimé ou apprécié lorsqu'on paye avec de l'argent, car les autres accepteront simplement cette monnaie, qui que nous soyons. Des relations sociales potentiellement riches en sont réduites à des transactions arithmétiques. En outre, la monnaie ne se décompose pas comme la nourriture, ne rouille pas comme la plupart des métaux et ne se dégrade pas comme les bâtiments. Contrairement au bétail ou aux membres de notre famille sur lesquels nous pouvons compter, l'argent ne meurt pas. Il évoque quelque chose d'éternel, de pur, de fiable et d'immuable. Il peut même incarner une renaissance d'utilité et de valeur, comme nous l'avons vu avec l'os de vache morte qui redevient utile après un sacrifice au temple. Avoir de l'argent semble donc nous aider à échapper à certaines insécurités de la vie. Du fait de ces raisons profondes, liées à nos angoisses venant du fait d'être en vie et en relation avec les autres, l'argent n'est pas seulement attrayant, on préfère aussi éviter de le remettre en question. Notre implication dans la société où nous vivons est mise en œuvre et renforcée chaque fois que nous utilisons de l'argent. C'est donc un véritable déchirement que de rejeter ce système. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines personnes trouvent difficile de condamner le pouvoir et le statut des riches sans se sentir étrangères à la société dans laquelle nous vivons tous et toutes. Certaines de ces implications seront examinées au chapitre 12. Cette façon de comprendre l'assentiment général au pouvoir de l'argent pourrait-elle aider davantage d'entre nous à se sentir un tant soit peu responsables vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde en raison des systèmes au service de ce pouvoir? La prochaine fois que vous vous sentirez attristé par la façon dont l'espèce humaine ravage la Terre, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous, tout comme moi et la plupart des humains modernes, contribuez probablement au système qui oblige les gens du monde entier à agir comme des conquistadors des temps modernes, en saccageant le monde naturel et en exploitant autrui pour rembourser leurs dettes. La prochaine fois que vous penserez que ce sont ces méchantes compagnies pétrolières qui bousillent la planète, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont le secteur bancaire exige que ces compagnies, et les gouvernements du monde entier, continuent à forer, à raffiner et à distribuer leur pétrole sur le marché. C'est le pétrole dont vous avez besoin pour travailler et rembourser votre crédit immobilier. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que nous ne devrions pas nous sentir mal face à l'écocide, parce que c'est simplement la marche de la technologie qui nécessite toute cette destruction, ou qu'elle reflète le destin de l'humanité en ce début de la fin des temps, prenez un moment pour lui demander ce qu'il en est de son épargne et de ses investissements. Car la nature n'est pas seulement en train de mourir. Pendant de nombreux siècles, elle a été lentement tuée par des personnes manipulées, forcées ou récompensées dans leur action délétère par les systèmes économiques dans lesquels elle vivait, comme c'est le cas aujourd'hui. Je suis d'accord avec le philosophe Slavoj Žižek lorsqu'il dit « Il ne faut pas blâmer les gens et leur attitude. Le problème n'est pas la corruption ou la cupidité. Le problème est le système qui vous pousse à être corrompu. » Fin de citation. Je suis également d'accord avec la mère de Lila June lorsqu'elle nous dit que « Vous pensez savoir ce que c'est que d'être un humain, mais vous ne le savez pas. Tout ce que vous savez, c'est comment un être humain se comporte dans un paradigme de pouvoir dominateur. Power over paradigm. » Mais que se passerait-il si l'on plaçait cet être humain dans un paradigme complètement différent ? Fin de citation. Pat McCabe a raison. Nous ne savons pas encore ce que des êtres humains non manipulés et non contraints pourraient faire pour remédier à la situation difficile dans laquelle se trouve notre planète. Mais le moment est venu de le découvrir.